FrenchPod.com. Tu te mets le doigt dans l'œil. John McCain a toutes ses chances. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai toujours cru que tu supportais les positions démocrates. Pas du tout. Nous votons à droite de père en fils dans la famille. Te vexe pas, on a le droit de se tromper. D'ailleurs, je suis pour le dialogue et le débat des idées. En plus, les points de vue des deux camps ne sont pas toujours diamétralement opposés. Comment ça? Prenons le thème de l'immigration, par exemple. Ils ont des buts communs. Sécuriser les frontières, engager un processus de légalisation des clandestins et renforcer les sanctions contre les patrons qui emploient des sans-papiers. Oui, mais il y a d'autres sujets épineux qui confirment bien le fossé existant entre les deux parties. Ainsi, Obama compte annuler les réductions d'impôts accordées par George Bush aux revenus de plus de 250 000 dollars par an, tandis que McCain préférait les rendre permanentes. C'est vrai. Moi, je trouve que McCain n'a pas froid aux yeux quand il annonce vouloir équilibrer le budget d'ici la fin de son mandat. Oui, mais je crois qu'Obama pourrait donner un sérieux coup de pouce aux retraités, aux travailleurs et aux foyers propriétaires de leur logement s'il avait la possibilité d'appliquer son projet de réduire leur fiscalité à hauteur de 80 milliards de dollars par an. En tout cas, c'est une bonne initiative de la part des républicains que de vouloir diminuer le taux sur les bénéfices des sociétés de 35 à 25%. Ça, ce serait une mesure efficace pour relancer l'économie. Je crois au contraire que ça n'a ni queue ni tête. Il vaut mieux écouter Obama qui veut porter l'impôt sur les revenus du capital de 15% à 28%. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la bouteille de Bordeaux n'est toujours pas arrivée.